Avant de commencer, nous voulions vous dire que notre petite série, L'Aventure de Noël, vous est offerte par ribambelle.com, le site des activités en famille. Bon épisode! Les petites histoires de Tell Me. L'aventure de Noël. Le vieux monsieur. Alors que Fonceur et Léo partent préparer la potion de tout va top, Baya et Isilda se rendent chez Papy Mocho. On dit que c'est un sorcier maléfique. Il faut avouer que l'état de sa maison n'arrange rien. Elle est toute de travers, à moitié recouverte de mousse et de lierre. Les trois gros arbres plantés devant donnent l'impression de gardiens menaçants. Dans le jardin, tout pousse en désordre pour décourager de s'y aventurer. Et puis, il y a une centaine de nains de jardin. Il paraît que ce sont tous ceux qui ont osé déranger Papy Mocho. Si en plus de cela il s'avère qu'il est l'ennemi de Noël, la confrontation ne va pas être de tout repos. Malgré cela, Baya et Isilda se tiennent devant le portail de la propriété, déterminées. Elles sonnent. La porte s'ouvre. Des dizaines de chats sortent en silence sur le perron. Les cœurs des deux amis s'emballent. Puis, après un court instant qui prend un air d'éternité, Papy Mocho apparaît. Personne ne pouvait l'imaginer comme ça. Le vieil homme est emmitouflé dans une épaisse robe de chambre bariolée, des chaussons T-Rex à ses pieds. Sa longue barbe blanche et ses cheveux sont parfaitement taillés. Souligné par un regard espiègle, il leur lance un sourire radieux. « Oh, oh, oh ! Que me vaut la visite d'une jeune fille et d'une lutine ?» Isilda est coite. D'un air aussi assuré que son regard est hésitant, Baya tend la photo. « On veut vous parler de ce que vous avez fait sur le marché, au lutin et... » Un claquement de doigts l'interrompt. Les voilà dans un salon douillet et décoré avec sobriété. Des chats sont installés sur un canapé moelleux. Un feu crépite dans une superbe cheminée. Assis dans un gros fauteuil, Papy Mocho les invite à s'asseoir. « Puis-je vous offrir quelque chose à boire ?» Déboussolée, elle demande un chocolat chaud. Un nouveau claquement de doigts plus tard, les voilà servis. Derrière sa tasse, Baya observe le vieil homme. Elle en est certaine, il a les mêmes traits que le marchand malfaisant, sauf que ses yeux sont remplis d'une infinie bonté. Un silence rempli de questions s'installe avant que Baya ne lâche celle qui la démange le plus. Vous êtes sorcier, mais vous n'avez pas l'air maléfique du tout, vous ne l'êtes pas vrai ? Le sorcier les regarde, amusé. Les gens n'aiment pas ce qui est différent. Si on apprenait la vérité à mon sujet, je pourrais avoir de gros problèmes. Je n'ai pas du tout envie de quitter cette maison. Mon grand-père l'a construite lui-même. Alors, je me suis débrouillé pour que les habitants de Sylvebourg inventent tout un tas de rumeurs sur moi. Comme ça, je suis tranquille. Il ment. Isilda en est certaine. Elle saisit la photo de Baya et l'agite comme une preuve irréfutable. Votre petit manège ne marche pas avec moi, Rouchax. Papy Mocho s'affaisse dans son fauteuil. Il sort l'autre partie qui vient compléter celle qu'Isilda tient dans ses mains. On y voit un homme et une femme tout sourire, et deux enfants joyeux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. « C'est mon frère jumeau. » Isilda regarde ses pieds. Baya est stupéfaite. Non sans émotion, Papy Mocho leur explique tout. Leurs parents étaient des sorciers sans le sou. Par chance, ils avaient cette maison, mais ne pouvaient pas offrir grand-chose à leurs enfants. Si Mocho s'en contentait, cela rendait Ronchax triste. Il attendait toujours Noël avec espoir, mais il était toujours déçu, comme si le Père Noël ne lisait pas ses lettres. Peu à peu, son chagrin s'est transformé en colère. Mocho a essayé de lui montrer qu'il y avait des choses plus précieuses que les cadeaux, sans succès. Et puis un jour, Ronchax a claqué la porte, déclarant qu'il ferait tout pour venir à bout de cette fête inutile. Attristés, Baïa et Isilda lui expliquent la situation et lui demandent son aide. Le vieil homme accepte sans hésiter. C'est à ce moment que Fonceur et Léo frappent à la porte. Tout Sylvebourg est soigné. Prochaine étape, le Grand Nord. C'était un épisode de l'aventure de Noël. À demain pour le prochain.